La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la pédagogie freinée. Et si le nom de la pédagogue italienne Maria Montessori est bien connu, avec ses quelques 35 000 écoles à travers le monde, elle connaît moins celui du français Célestin Freinet et de sa femme Élise. Pourtant, son influence est tout aussi importante dans le monde de l'éducation dite « nouvelle ». Des milliers d'instituteurs et de professeurs ont recours à ces méthodes et perpétuent aujourd'hui son rêve d'une révolution par et pour les élèves au sein même de l'éducation nationale. Sa méthode se résume en quelques mots. Mettre les enfants au travail. Freinet croyait au savoir-faire plus qu'au savoir tout court et faisait de sa classe un atelier bouillonnant animé par un esprit créatif et collaboratif. Voici donc l'histoire de jeunes instituteurs meurtris par deux guerres, 14-18, et celles qu'ils menèrent au quotidien pour exercer leur métier selon leurs convictions. Deux jeunes idéalistes qui vont embrasser à corps perdu les rêves et les utopies des années 20 et ont été jetés en pâture dans les angoisses et les haines des années 30. Un destin romanesque qui nous raconte une vérité intemporelle. En matière d'éducation de nos enfants, tout est invariablement si sensible. Notre invité aujourd'hui, Xavier Yondé, professeur à l'université Rennes 2 en sciences de l'éducation, auteur avec Henri-Louis Gault du double volume intitulé « À côté de Freinet ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Bastien Jans, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard et Camille Matti. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Octobre 1920. Nous sommes en Haute-Provence, où M. Pascal vient d'être nommé à son premier poste. Pardon, madame, pour aller à Salé. Nous sommes en 1948. Jean-Paul Chanoir, réalisateur célèbre pour ses images de maquisards du Vercors, présente son nouveau film, L'école buissonnière. Les notes du grand Joseph Kosma accompagnent l'arrivée de M. Pascal, un jeune instituteur dans un village perché de Provence, avec Bernard Blier dans le rôle principal. Le jeune enseignant qu'il incarne tente d'imposer sa nouvelle vision de l'école, où l'éveil des enfants passe par la découverte de la nature, de l'artisanat et de l'art. Dans le village, la colère gronde. L'ancien instituteur grabataire, le maire conservateur et tous les édiles mènent le cabal pour chasser l'arrogant instituteur et sa prétendue révolution scolaire. Mais à la fin, la réussite de l'instit est totale. Sa méthode miraculeuse ramène le cancre du village sur les bancs de l'école et ses idées novatrices sur la pédagogie vont séduire des millions de spectateurs du film. Le grand Bernard Blier le considérera d'ailleurs comme l'un de ses meilleurs longs-métrages. Et là, je voudrais vous montrer un extrait d'un film que j'aime bien, parce que c'est un film sur une histoire vraie aussi. Et c'est l'histoire d'un instituteur qui a inventé des méthodes très importantes pour l'enseignement et qui a rendu de grands services à la pédagogie. Je voudrais parler de Célestin Freinet, qui est un monsieur qui vit toujours, heureusement, est encore très jeune. Et après la guerre de 1914, Célestin Freinet a inventé les méthodes nouvelles, et des méthodes qui ont eu un grand retentissement dans le monde. Il a empêché les enfants de s'ennuyer en classe. Ce que l'acteur ne dit pas, c'est que la relation entre les professionnels du cinéma et ce fameux Célestin Freinet dont ils ont adapté l'histoire ne sont pas au beau fixe. Bien des années plus tard, Blier, moins admirateur du prodigieux professeur, le qualifiera de stalinien sectaire. Pourtant, c'est bien à Staline et à ses ouailles du Parti communiste français qui a largement financé la production du film que s'oppose alors Freinet. Une guerre de chiffonniers concernant des noms génériques qui vont empoisonner les relations du pédagogue avec le PCF, dont il est membre depuis près de 20 ans. éternel rebelle, Fresnay ne s'accommode d'aucune autre chapelle que la sienne. Qui est cet homme que la France des années 50 découvre à travers la figure du gentil Monsieur Pascal ? Héros de la Grande Guerre, puis interné dans les camps de prisonniers en 1940, Célestin Fresnay est un dur, loin de l'image du gentil instituteur que l'on pourrait imaginer. Derrière sa petite moustache et son regard perçant, se cache en vérité un tempérament de feu. À la sortie du film en 1948, Fresnay a 52 ans. Il est le chef de file d'un vaste mouvement rassemblant près de 20 000 instituteurs qui défendent les innovations du tempêteux pédagogue. Le premier synopsis du film L'école buissonnière a été écrit par Élise Fresnay, l'épouse de Célestin. Ce film est pensé comme la pièce maîtresse d'une vaste entreprise de communication pour promouvoir leur pédagogie. Le final, d'ailleurs, est éloquent. Qui c'est qui passe sur la route ? C'est Aristide qui remonte avec les enfants. Le maître est avec eux. Ils ont l'air rudement contents. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je comprends pas. Ils sont arrachés. Oh, la demoiselle qui vient au-devant d'eux. Le maître saute de sa voiture. Il est devant elle. Il se regarde. Il se serre la main. Je sais pas ce qu'ils se disent. Le cinéma a le pouvoir magique de tout recouvrir d'un voile merveilleux. Tout y est tellement plus facile. Car la réalité des premières années d'exercice du couple fut-elle bien plus sordide. Et les innovations de Célestin n'emportèrent pas l'adhésion si facilement au son des cigales et de l'accent provençal. « 18 octobre 1917. Changement de décor. Dans le brouillard épais des plaines du nord de la France, à Bussy-sur-Lon, près de Soissons, la 34e section du jeune chef Célestin Fresnay, tout juste 21 ans, se met en mouvement. Objectif, rejoindre le début du chemin des dames pour la grande offensive que prépare l'armée française. Une pluie d'obus s'annonce, un déchaînement d'artillerie sans précédent. Mais pour l'instant, c'est bien de l'eau glaciale qui tombe et qui vient tétaniser le jeune Célestin. Vivement que ce soit passé et qu'on puisse vivre encore, écrit-il dans son journal le jour même. Voilà de nombreux mois qu'il noircit les pages blanches de ses cahiers, couchant sur le papier des états d'âme de plus en plus noirs. « Je suis plus dégoûté que jamais », crache-t-il. Le 23 octobre, à 6 heures du matin, la bataille fait rage. Il tombe, tombe et tombe encore, comme l'écrit Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Fresnay raconte sa guerre dans son journal. Il y avait des trous formidables. On ne reconnaissait aucune tranchée. La route Paris-Maubeuge était à peine visible. Du ravin, les Boches prisonniers montaient. Et moi, peut-être imprudent, je me promenais debout, à diriger. Et nos 155 tapaient toujours, en plus sur nous. À un moment donné, comme je venais de donner un VB pour allonger le tir, je sens un formidable coup de fouet dans les reins. Je n'ai pas voulu crier tout de suite, ni me coucher. J'ai fait 2 mètres et j'ai senti le sang qui coulait à flot dans les reins. On m'a coupé tous les effets, on m'a pansé et je suis resté affalé. Pour Célestin, la guerre est finie et une longue convalescence commence. Sa blessure est profonde et ne cesse de se rouvrir. Elle le handicapera toute sa vie. Au début de l'année 20, le temps est enfin venu d'exercer son métier d'instituteur auquel il s'était préparé avant la guerre. Ce sera au Bar-sur-Loup, un village du Haut-Pays niçois, des montagnes dont Fresnay, descendant de cultivateurs, est originaire. Les débuts sont pour le moins difficiles, comme l'indique avec brutalité le premier rapport d'inspection le concernant, et qui mentionne un état de santé débile, oui débile, résultat d'une grave blessure de guerre. Mais sa classe ne va pas, la discipline est faible et l'enseignement d'après la préparation n'est pas du tout approprié. À 24 ans, Célestin vit un nouvel enfer. Il est plongé de longs mois dans une profonde dépression. Selon la légende, c'est sa blessure qui, le rendant incapable de se tenir debout sur l'estrade pour faire la leçon des heures durant, a nourri son besoin d'innovation pédagogique. Sortir pour aller observer la nature, organiser des ateliers manuels et artistiques, faire écrire et parler les enfants. L'histoire est belle, mais pas tout à fait exacte. comme beaucoup de ceux qui ont connu l'horreur de 14-18, le jeune institut croit qu'il faut en finir avec cette école républicaine, celle des vieux hussards laïcards, bonne qu'à former de la chair à canon. C'est en lisant les écrits de l'italienne Montessori, du belge de Crolli et surtout du suisse Adolphe Ferrière, qui publie l'école active en 1922, que Freinet élabore peu à peu sa méthode. Dès 1923, il participe au deuxième congrès de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle et il y rencontre tout ce que l'Europe compte de pédagogues révolutionnaires. Alors, Freinet entrevoit son destin. Mais pour l'heure, il ne s'autorise dans son journal que quelques rêveries mesurées. Pas trop de travail, du bien-être, et puis, le plus tôt possible, un petit intérieur, avec quelqu'un que j'aime, dit-il. Et quand bien même ce serait une institutrice, si c'en est une qui me plaît, hein. Octobre 1922, à Serre-Barbin dans les Alpes, une jeune institutrice écrit à son inspecteur d'académie. Monsieur l'inspecteur, j'ai l'honneur de vous informer que malgré la meilleure volonté du monde, je ne puis continuer à assurer la classe de Serre-Barbin. J'ai écrit au maire encore une fois, après tant d'autres, pour le prier de me faire sans retard la pièce du rez-de-chaussée en état. En attendant, je ne puis absolument pas continuer à faire mon service. La neige pénètre dans la pièce, d'autant plus facilement que l'emplacement de l'école est sans cesse balayé par la tourmente. Pendant ces trois derniers jours, j'ai accepté l'hospitalité d'une jeune femme et j'ai dû vivre dans une écurie. Je ne puis absolument pas accepter ce genre de vie. Je suis outrée des procédés de la municipalité à mon égard. Élise n'a que 22 ans quand elle écrit cette lettre glaçante à son administration. Ses premiers pas dans l'enseignement se passent dans des conditions très dures. Elle y laissera quelques plumes. Déjà, sa santé se fragilise et son amertume ne cesse de croître. Elle aussi rêve de socialisme, d'une école nouvelle, laissant plus de place au développement du sens artistique des élèves. Lectrice de la revue de pédagogie anarchiste L'école émancipée, elle se passionne pour les expérimentations d'un jeune pédagogue en vue, un certain Célestin Freinet, qui a placé au cœur de sa classe une imprimerie pour que les élèves créent leur propre journal. « 19 août 1925. Dans l'ombre du Vercors, une locomotive crache sa fumée dans le ciel de la gare de Grenoble. Célestin se presse sur le quai pour monter dans le train pour Paris. Il est attendu au 20e congrès de la Fédération de l'enseignement. Il va y faire part de son émerveillement pour les écoles soviétiques dont il vient de faire la découverte lors d'un voyage en URSS qui l'a transformé. Élise Lagier-Bruno attend, elle, sans grand enthousiasme, un train qui doit la ramener dans les Hautes-Alpes où l'attendent ses élèves. Lasse des difficultés de son métier d'institutrice, elle songe alors à devenir professeure de dessin, sans savoir qu'un mal terrible la ronge. Quand Célestin rencontre Élise, il voit une jeune et belle institutrice en colère qui partage les mêmes rêves que lui. Quand Élise rencontre Célestin, elle reconnaît le jeune pédagogue en feu. Le coup de foudre est immédiat. Et ils se sont vus, et ils se sont plu, racontera bien plus tard leur fille Madeleine. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuages. car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Sensible sur France Inter. Septembre 1928, Saint-Paul-de-Vence. Majestueusement perché au sommet d'une petite colline roussie par la chaleur du soleil, ce petit village provençal et ses quelques mille habitants apparaît comme un paradis. Du moins, c'est ce que s'imagine le couple Fresnay quand il aperçoit au loin le clocher se dessiner. Et ils ont des raisons d'espérer, elle et lui. Célestin a été nommé instituteur de l'école des garçons avec la promesse qu'Élise obtiendra un poste dans le même établissement. Une chance inouïe pour accomplir leur rêve, expérimenter leur nouvelle méthode pédagogique et profiter d'un cadre magnifique pour qu'Élise puisse affirmer ses talents de peintre. Surtout, Saint-Paul pourrait bien devenir le siège de leur mouvement à deux têtes. La revue L'Imprimerie à l'école, que dirige Fresnay, et cette coopérative, créée un an auparavant, réunissant déjà près de 300 instituteurs. Bref, l'idée commence à prendre. Partout en France et dans d'autres pays, des instituts correspondent et échangent sur leur méthode pédagogique. Une petite révolution dans la très hiérarchique et pyramidale instruction publique. Dans un article pour la revue L'École émancipée, Célestin dessine un horizon. Libre à ceux qui s'accommodent de la société présente, d'adapter leurs élèves à un régime d'injustice et d'exploitation. Sans espoir démesuré, nous tâcherons d'être sans cesse à l'avant-garde de la pédagogie populaire. Par notre action, nous montrerons aux éducateurs que l'école actuelle est loin d'être celle que nous rêvons pour le peuple. Nous dénoncerons les pratiques, les méthodes qui, loin de contribuer à la libération de l'homme, préparent son plus entier asservissement aux forces aujourd'hui régnantes. Les banques, et les trusts. Notre effort commun pour la régénération de l'enseignement n'aura pas été inutile s'il a contribué à donner aux élèves quelques velléités de libération et aux maîtres une idée plus précise de leur rôle social dans la société capitaliste. Monsieur l'instituteur, ça me loupe. Oui. Hector Malicorde, maire de Salaise. Très honoré, monsieur le maire. J'avais justement l'intention d'aller vous saluer. Vous ne m'auriez pas trouvé. Je suis en train de donner une leçon aux jeunes gens. Moi aussi, voyez-vous, je fais dans l'enseignement. Vous regardiez le monument. Nous savons que vous êtes un héros. Oh, pas de modestie. 25 enfants pour une petite commune comme la nôtre. Enfin, ils sont morts pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Permettez que je vous présente à ces messieurs. Monsieur Tordeau, du bazar parisien. Monsieur Pourpre, le coiffeur, et le pharmacien, monsieur Alexandre, dit le petit. Beaucoup moins bonhomme que le maire du film L'École buissonnière, Joseph de Maigne, le maire, le vrai, de Saint-Paul-de-Vence, c'est un jeune médecin conservateur proche des xénophobes de l'Action française. Dans un village où un tiers des habitants est un ouvrier immigré italien, ça peut susciter un climat quelque peu tendu. Et si Demagne fait preuve d'un certain enthousiasme au moment d'accueillir le jeune couple, que pense-t-il vraiment en son fort intérieur? Il n'est pas sans savoir que les Fresnay ont des accointances avec les pensées anarchistes et révolutionnaires depuis longtemps, qu'ils sont syndiqués dans les mouvances les plus radicales, et que surtout, surtout, ils sont membres du Parti communiste français depuis 1926. Je suis à peu près sûr qu'on nous a fait une injustice, écrit Élise à sa mère à l'automne 1928. Car elle le sait à présent. Il n'y aura pas de deuxième classe ouverte à l'école des garçons, enseigne son mari. Parce que le maire s'y oppose. À vrai dire, celui-ci s'oppose très vite à toutes les requêtes du couple. Célestin vit un nouveau calvaire. 49 élèves pour un local qui ne peut en accueillir que 27. Alors il multiplie les lettres aux édiles et à sa hiérarchie, s'offusquant des conditions déplorables qui sont les siennes. Le manque d'air, la cour minuscule, l'immonde fosse qui sert de toilette. L'administration fait semblant de soutenir son instituteur, mais rien ne se passe. Jadis, on disait que l'équilibre d'un village français reposait sur la relation entre le maire et l'instituteur. Or, à Saint-Paul, c'est une guerre que se déclare l'édile d'extrême droite et l'enseignant communiste. Et c'est bientôt tout le conseil municipal et la moitié du village qui se ligue contre l'instituteur, comme le relate le film L'école buissonnière. Voilà un homme qui dénigre partout notre école. Et même par écrit. L'école est sale, les cabinets sentent mauvais, comme si les cabinets pouvaient sentir bon. Toutes choses qui se retournent contre la commune et qui peuvent servir à je ne sais quelle propagande électorale contre la municipalité actuelle, c'est-à-dire contre Monsieur le maire et contre nous. Quoi d'étonnant d'ailleurs, ne fait-il pas imprimer ses petits livres sur des bulletins électoraux, soigneusement triés, et ne fait-il pas voter les enfants en classe? C'est une honte. Et l'estrade, vous savez ce qu'il a fait de l'estrade? Du bois brûlé. C'est la propriété de la commune et c'est avec notre argent qu'il faudra la remplacer. La situation du couple, qui ne vit que sur le salaire de Célestin et vient d'accueillir la petite Madeleine, est terriblement précaire. Un ami qui les visite en avril 1930 en atteste. Le malheur a lourdement pesé sur la maison Freinet. C'est surtout chez Élise qu'on en trouve la preuve. Elle n'a pas souri une seule fois. Je sentais chez eux la douleur, l'abattement. J'étouffais les larmes dans ma gorge. Freinet exerce toujours dans des conditions déplorables, précise cet ami. D'ailleurs, les drames s'enchaînent. La sœur d'Élise, institutrice également, meurt tragiquement en chutant dans sa classe. Sa santé se détériore, elle tousse de plus en plus la tuberculose. Dès leur deuxième rentrée à Saint-Paul, le couple est surveillé par la police. Un premier rapport, daté du 10 juillet 1930, écrit par le commissaire de Cannes au préfet, évoque l'instituteur Freinet, connu comme communiste, qui a fait un voyage d'études en Russie et qui est en train de créer une nouvelle méthode pédagogique. Mais Freinet ne se démonte pas. En quelques années, il met en place toutes les innovations pédagogiques qui lui appartiennent, correspondance interscolaire, imprimerie, édition d'un journal par les élèves, intitulé « La gerbe », atelier manuel, promenade et observation du milieu naturel, production de textes libres ou encore suppression d'annotation. Dans sa revue « L'imprimerie à l'école », renommée plus tard « L'éducateur prolétarien », il écrit « Tous mes élèves sont des fils de fermiers ou de métayers pauvres, italiens ou naturalisés. Les véritables indigènes, plus ou moins petits bourgeois, n'ont plus d'enfants. Notre classe est donc dans le village même, une classe de pauvres, d'exploités. » Pour la bande du maire, les quelques notables du village qui ont leurs enfants scolarisés dans la classe de Freinet, c'en est trop. Un jour de mars 1932, le petit Louis, le fils du coiffeur Marius Monzelio, rentre de l'école. Fier comme Artaban, il sort la petite carte postale qu'il a reçue de son correspondant. Monzelio, père, n'en croit pas ses yeux. Son fils échange des lettres avec une école soviétique. Freinet vient de se faire un ennemi. En véritable activiste, Monzelio multiplie alors les dénonciations des pratiques de l'instituteur auprès des autorités et de la presse de droite niçoise. Le courrier de Freinet est à présent ouvert et lu par les services de police. C'est l'escalade. Le 22 juin de cette même année 32, le commissaire spécial Rock relate l'affaire de la carte postale dans un rapport sur Freinet. Et il ajoute « D'après les nombreuses personnes parfaitement honorables que j'ai entendues, il existerait chez cet instituteur de constantes allées et venues d'étrangers qui seraient en majeure partie des Russes. » En ce même été, à la surprise générale, un autocar s'arrête sur la place du village. En descend une bande d'hurluberlus prêts à terroriser les habitants. Des pédagogues et autres intellectuels venus de l'Europe entière, invités par le couple Freinet à venir découvrir leur école, leur coopérative et leur méthode. Parmi eux, le vieux Roubakine, un écrivain soviétique doté d'une grande barbe et d'un air sombre, qui se lance dans une longue litanie sur l'éducation en URSS. Pour le villageois médusé, c'est certain, Freinet a introduit le loup dans la bergerie. Le 29 novembre 1932, le commissaire Ségur de la police de Cannes prévient le préfet, je le cite, qu'à l'initiative de certaines personnalités de Saint-Paul, du conseil municipal et des anciens combattants, une campagne de protestation contre l'enseignement tendancieux de l'instituteur Freinet va commencer incessamment. Et il joint à sa lettre trois petits textes, trois dictées d'enfants qui vont faire l'effet d'une bombe. Mon rêve. J'ai rêvé que toute la classe s'était révoltée contre le maire qui ne voulait pas nous donner les fournitures gratuites. Monsieur Freinet était devant. Il dit à monsieur le maire, « Si vous ne voulez pas nous donner les livres, on vous tue !»« Non ! Sautez-lui dessus !» dit monsieur Freinet. « Je m'élance. Les autres ont peur. Monsieur le maire sort son couteau et m'en donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue !» Monsieur Freinet a été le maire et moi, je suis allée à l'hôpital. À ma sortie, on m'a donné 1000 francs. Dans le brouillard du matin du 3 novembre 1932, sur la pierre grise des murs de Saint-Paul, des affiches rouges sont placardées partout, reproduisant le texte du petit Diaz, un élève de Freinet, et le présentant comme une dictée. D'autres affiches, vertes celles-là, invitent la population à s'unir pour demander le départ de cet instituteur qui prétend faire des élèves qui lui sont confiés de futurs bolchevistes. 2 ans plus tard, avec quelques administrés zélés, le maire investit la cour d'école et fait pression sur les parents d'élèves pour qu'ils n'envoient pas leurs enfants en classe. Le 10 décembre, le texte de l'élève Diaz est relié par l'éclaireur de Nice, le journal de droit de la Riviera. L'affaire dite de Saint-Paul éclate et elle a un écho national. Charles Maurras, le grand idéologue de l'Action française, relaye l'information et s'insurge. Tous nos jeunes Français envoyés à l'étrange école de Saint-Paul-de-Vence servent de cobayes à des expériences de psychologie internationale, écrit le polémiste incendiaire, monarchiste, nationaliste, raciste et antisémite. L'angle d'attaque contre Freinet est parfaitement trouvé. En publiant ainsi le texte libre du jeune Diaz, l'instituteur apparaît comme un sorcier manipulant ses élèves, usant de ses méthodes freudiennes, amenant les gamins à des envies de meurtre. En d'autres termes, l'image qu'on accole à un communiste. Un instituteur a-t-il le droit d'être communiste? Se demande l'éclaireur de Nice le 16 décembre 1932. Il y a de sérieux dangers à habituer les enfants à pénétrer jusqu'au fond du gouffre obscur qui attend chacun de nous et où grouillent parfois d'étranges monstres, explique le directeur de l'école normale de Nice dans son rapport au préfet, qui décide de censurer Freinet dès le mois de janvier 33. La mesure paraît forte, brutale, mais elle reste symbolique, parce que Célestin peut garder son poste à Saint-Paul. Mais la crise s'enlise. Le couple se défend comme un beau diable face à la calomnie, écrivant jusqu'à 5 lettres par jour à qui voudrait bien les lire. Cela dit, ils ne sont pas totalement seuls. Certains parents d'élèves, sachant à peine écrire, se joignent à la défense orchestrée par la presse de gauche et les syndicats de l'enseignement. Monsieur Vuffray, sous-signé, père de 6 enfants, déclare être absolument satisfait de l'enseignement donné à son fils Roger, 10 ans. Il proteste avec véhémence contre accusations fausses et haineuses que contiennent les affiches qui ont paru et qui ne témoignent que de la stupidité de son auteur, lâche et anonyme. Je sous-signais, Cornillon Baptistin, que mes fils ont beaucoup appris pendant la durée qu'il est allé à l'école chez Monsieur Freinet. Un a été présenté au certificat d'études, mais il a échoué. Mais je suis très content de cet instituteur, car il était très gentil pour les élèves. Ce conflit scolaire s'enlise pendant de longs mois, prenant la forme d'une véritable guerre de papier. Freinet continue de tenir sa classe, mais la moitié de ses élèves sont déscolarisés, mis en grève par leurs parents. Et seuls 14 enfants, ceux des familles immigrées, restent fidèles à l'instituteur révolutionnaire. Le village de Saint-Paul-de-Vence est maintenant bel et bien divisé en 2, ceux qui haïssent les Freinet et les prolétaires immigrés italiens. Le 24 avril 1933, à 7h30, une foule compacte de près de 150 habitants se réunit sur la place centrale du village. Le maire Joseph Demagne crie alors « En avant !» La chasse à l'instituteur bolchevique est lancée. Les enfants grévistes sont en tête de cortège. À son balcon, Élise n'en croit pas ses yeux et sa fille Madeleine tremble de peur. Arrivée devant la grille de l'école, la foule se fait menaçante. Une femme tente de briser le carreau d'une fenêtre pour pénétrer dans l'école. Puis, c'est la stupéfaction. Et le temps s'arrête. Céleste Affrenet, le héros du chemin des dames, le tempêteux instituteur, sort de l'école. Il tient dans sa main un revolver. Défiant la foule qui l'insulte, il lui dit droit dans les yeux. J'ai ici la garde de 14 enfants et je le défendrai malgré tout si quelqu'un rentre. Et il mime un coup de feu. Le 12 mai 1933, à l'Assemblée nationale, face à la polémique Freinet, le ministre de l'Éducation nationale, Anatole de Monzy, répond aux députés. À Saint-Paul-de-Vence, un instituteur pratique des méthodes freudiennes. Je l'ignore jusqu'à ces derniers mois. Je n'ai pas de rapport. Rien ne me le signale. Un scandale me l'apprend. Je demande une enquête, aux fins de censure. Une enquête portant sur quoi ? Sur des méthodes pédagogiques. Pourquoi la censure ? Parce que pendant des années, l'instituteur a mis en pratique ses méthodes, au vu et au su de tout le monde, qu'il a été encouragé et félicité par des personnes dont le nom fait autorité, et qu'il a été, dans la grande presse de gauche et du centre, l'objet de véritables louanges pour la mise en œuvre de procédés pédagogiques dont l'originalité et l'efficacité auraient dû susciter des réserves. C'était une espèce d'idole primaire de la Côte d'Azur à laquelle on n'osait pas toucher. Alors que pendant 3 ans, on a ignoré cette situation, j'ai, moi, signalé, poursuivi, j'ai fait censurer parce que tel était mon devoir. La journée du 24 avril 33 est un point de non-retour. La guerre scolaire est étouffée, le couple Freinet est écrasé. Célestin est muté. Quant à Élise, dont la maladie s'éternise, elle n'obtiendra plus jamais de poste, pas plus qu'une pension pour invalidité. À quelques mois d'intervalle, les Freinet démissionnent de la fonction publique. Célestin écrit en octobre 1933 dans sa revue L'Éducateur prolétarien qu'on le veuille ou non, l'affaire Freinet est aujourd'hui virtuellement terminée puisque nous n'avons pu obtenir ni mon maintien à Saint-Paul ni la moindre sanction contre les coupables des événements dont nous avons été victimes. Nous sommes vaincus politiquement. Oui, vaincus. L'instituteur qui voulait changer l'éducation nationale de l'intérieur. Mais l'affaire de Saint-Paul lui a apporté une notoriété nouvelle. Alors quand le paysage politique leur est plus favorable, dans la dynamique du Front populaire, Élise et Célestin obtiennent le droit de créer leur première école privée. Elle est fondée en 1936, à Vence, à quelques encablures de Saint-Paul, comme un pied de nez. Cette école Freinet sera le cœur, le siège du grand mouvement pédagogique qui se développe principalement après la Seconde Guerre. Le couple met en place une véritable machine pour diffuser ses méthodes à travers des publications, le développement de leur coopérative d'enseignants et la création d'un institut qui multiplie les congrès et organise des stages d'été. Mais toute leur vie, Élise et Célestin Freinet se heurteront à l'hostilité des uns et au mépris des autres. Pédagogue de génie, charlatan ou mégalomane. Tout au plus, pouvons-nous considérer les Freinet comme des innovateurs marginaux et marginalisés, défendant jusqu'à la fin de leur jour la singularité de leur vision de l'école. Entendons justement la voix de Célestin, qui en 1958 s'adresse au congressiste à Neuchâtel. Il faut avoir ce courage qu'ont tous les instituteurs de notre mouvement de présenter des solutions nouvelles au sein des familles également. Je sais bien que la famille n'aime pas trop en général que l'enfant se singularise. Il préférerait que l'enfant reste dans le giron maternel et il fasse comme on a toujours fait, et qu'on ne fasse pas parler, qu'on ne dise pas cela. Pourtant, les progrès viennent tous des gens qui n'ont pas pensé exactement comme les autres, qui ont fait ce que les autres ne faisaient pas, qui à l'origine apparu comme des folies et qui plus tard ont été justement reconnus comme étant au contraire très raisonnables. Control. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la pédagogie freinée ou breaking the wall, casser les murs. On va en parler avec Xavier Riondet, notre invité. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'université Rennes 2 en sciences de l'éducation, vous êtes l'auteur, avec Henri-Louis Gau, du double volume intitulé « À côté de Freinet », publié aux presses universitaires de Nancy. Alors on le sait, les braves gens n'aiment pas qu'on suive un autre chemin qu'eux. Comment expliquer tout de même une telle hostilité de la société française des années 30 à l'encontre des Freinet ? Alors, ça peut s'expliquer de deux raisons. Déjà, pour cette part donnée à l'enfance, donc dans les pratiques, dans ses conceptions éducatives et au quotidien, puisqu'effectivement, faire parler l'enfant, laisser une place à l'enfant, à sa personnalité, c'est en soi subversif, et ça l'est d'autant plus au début du XXe siècle, dans cette école de la Troisième République, qui est certes progressiste en soi dans l'histoire de longue durée au niveau de l'école, mais qui ne consacre pas une grande place, je dirais, à l'enfant concret. Et puis également par les positionnements politiques donc des Freinet, membre du Parti communiste, vous l'avez bien dit, et puis lorgnant également sur la pédagogie révolutionnaire. Et effectivement, dans la France des années 30, comme vous l'avez rappelé avec l'affaire Freinet, c'est quelque chose qui peut difficilement passer, et qui est difficilement passé, en tout cas dans l'instruction publique des années 30 ou des débuts des années 30. Les difficultés continuent après la création de l'école. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, pas beaucoup en tout cas, pendant le récit. Que se passe-t-il pour les Freinet pendant la Seconde Guerre mondiale et sous le régime de Vichy ? Alors, sous la Seconde Guerre mondiale, donc qui éclate en 1939, en fait, il faut un peu remettre en perspective, en réalité, puisque donc Freinet est embêté entre guillemets et rencontre des ennuis en tant qu'instituteur communiste, première chose, et par la suite, il va s'engager, on va dire, à distance par rapport à la guerre d'Espagne, en soutenant donc les républicains espagnols. Quand en 39 la guerre éclate, en fait, il va rapidement se retrouver enfermé, donc dans des camps d'internement. Et en réalité, il est interné en tant que communiste, puisqu'il est donc dangereux. Donc il est, en tout cas, on subversif. Le prend pour quelqu'un de potentiellement dangereux. Donc s'ensuit des périodes d'internement, donc avant toute la période vichysoise, en réalité, et une période qui va s'éterniser. Donc dans différents lieux. Alors au départ, effectivement, il pense sortir assez vite, il s'entretient un peu en forme, il lit, il va écrire, etc. Mais rapidement, le temps se fait long, et il va de camp en camp, Saint-Maximin, Chabanais, Chibron, Saint-Sulpice-la-Pointe, et finalement, il pourra sortir de l'internement pour entre guillemets la résidence surveillée à Valoïse, et en fait il s'engagera dans le maquis à partir de 44, ce qui fait que effectivement il y a des débats pour dire, par exemple, il s'est engagé concrètement tardivement. Et puis en même temps, d'autres qui disent que effectivement, depuis la Grande Guerre, il a toujours été engagé, toujours été en lutte dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, pendant toutes les années 30, notamment avec ses liens avec la guerre d'Espagne. Alors justement, pendant les années 30, alors évidemment, Freinet est communiste, ok. Mais on voit que la gauche, on voit qu'avec le Front Populaire, c'est beaucoup plus facile pour lui. Donc la gauche est de son côté. On peut dire que c'était un projet de gauche. Ah, c'est une très bonne question. À l'époque, on pouvait dire, oui, droite et gauche, on peut y aller. Il est incontestablement de gauche. Après, il est quand même d'une certaine gauche. Alors, il jouit d'un certain crédit auprès des personnes qui sont engagées pour l'enfance et la pédagogie, dont un certain nombre sont de gauche. Donc, il a un peu ces appuis-là. Mais il porte quand même un projet assez radical, notamment dans les années 30. Hein, vous avez parlé de la revue L'Éducateur Prolétarien. Mmh. Et puis, cette école, donc, en fait, qui ouvre en 34, mais qui ouvre officiellement en 36, et il n'a pas attendu en fait l'autorisation pour l'ouvrir, est vraiment une école qui accueille l'enfance prolétarienne. Donc c'est vraiment un projet, je dirais, d'extrême gauche et un projet révolutionnaire dans le contexte des années 30 et qui effectivement est rendu possible peut-être ou par des personnalités de gauche, mais qui est quand même très très très singulier. Oui, et quand on voit que c'est de gauche, quand on voit l'urticaire que ça donne à des gens comme Maurras, on a compris que c'est pas la même rive de la pensée. Bon, Florent Marché, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté De Justesse. Florent Marché, voilà. Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute, et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. De Justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière, les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De Justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages, en vitesse. Ne plus rien avaler, et peser sans mal-être, on allait se jeter, mais on ferme la fenêtre, de justesse. Promets-moi, mon amour, passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. J'y pense tout le temps. Spiler, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18. De justesse. Affaires sensibles sur France Inter. Xavier Riondet, on va maintenant parler de ce concept d'école Freinet aujourd'hui. Que représente donc aujourd'hui cette pédagogie en France? Combien d'écoles? Quelle influence? Alors, effectivement, la pédagogie Freinet est une pédagogie toujours actuelle et à différents niveaux, ce qui va permettre de comprendre pourquoi le chiffrage est assez difficile. Il y a donc cette école Freinet, donc qui a l'école historique, qui est ouverte dans les années 30, qui est toujours ouverte, puisqu'elle a été rachetée par l'État dans les années 90 sous le ministère de Lionel Jospin, et donc qui se situe dans le prolongement de l'œuvre d'Élise et de Célestin. C'est une pédagogie qui est aussi actuelle avec le mouvement Freinet, national, enfin en France, avec l'Institut coopératif de l'école moderne, qui est une association reconnue pour son concours pour l'enseignement public et qui est très implantée sur les territoires avec des groupes départementaux, régionaux, avec des chantiers nationaux. Et puis il y a un mouvement Freinet plus international avec la FIMEM, une fédération internationale des mouvements de l'école moderne, donc qui regroupe les mouvements Freinet nationaux, donc au niveau européen. Il y a aussi des groupes au niveau de l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, au niveau de l'Afrique, et il y a également au niveau de l'Asie, par exemple, le Japon. Mmh. Et puis donc, une pédagogie Freinet qui est aussi là, entre guillemets, sans être là, puisque parfois, certaines personnes s'appuient sur des idées, des principes, des outils, et qu'ils reproduisent et qu'ils utilisent dans leur classe sans formellement être adhérents et militants Freinet. Donc ce qui fait que c'est assez difficile de quantifier. Bon, si on est sur le nombre de militants, on est sur quelques milliers sans doute au niveau du territoire français, mais c'est en tout cas une référence qui circule activement à la fois en France et à l'étranger et qui fait sens pour plusieurs milliers de praticiens donc dans le monde. Qu'est-ce qui différencie cette méthode Freinet de la plus connue et peut-être la plus décriée d'ailleurs, la méthode Montessori ? Alors, c'est une question beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Elle était incontournable, vous ne pouviez pas échapper. Je risque de me fâcher avec l'une et l'autre des communautés de pratique. Ah oui, mais... Je dirais, avant de répondre, je ferai une petite prudence, parce que ce qui pose problème, je pense, autour de la pédagogie Freinet, c'est pas nécessairement la pédagogie en soi, plutôt que des manières de la pratiquer sans forcément la maîtriser, ce qui est un problème d'ailleurs commun à beaucoup de pédagogie, et certaines stratégies familiales qui existent ou qui préexistent à ces choix de scolarisation. La deuxième prudence, c'est sur le terme de méthode, puisqu'en fait, les figures de ces pédagogies, Freinet ou Montessori, réfutaient ce terme généralement, car ce terme laisse à suggérer qu'on va appliquer, entre guillemets, une recette, comme s'il y avait un esprit un peu mécanique, et ce qui en fait est assez loin de l'esprit de la pédagogie. Alors, d'ordinaire, comment on distingue l'une et l'autre ? Eh bien, on le distingue par un certain nombre de traits, mais qu'on pourrait nuancer. On va dire, par exemple, que dans la pédagogie Montessori, il y a une insistance aux activités de préhension, de manipulation. Et d'ailleurs, Montessori a écrit de très belles pages là-dessus. On va parler de matériel spécifique, l'alphabet mobile, les lettres rugueuses. Là où dans la pédagogie Freinet, l'objectif sera plutôt l'expression libre et avec des dispositifs, des techniques vraiment plus singulières, comme le plan de travail, le texte libre, les conférences, etc. Un autre trait qu'on avance, ça va être de dire que la pédagogie Freinet est fondamentalement liée à l'enseignement public, là où en France, la pédagogie Montessori, généralement, est perçue comme quelque chose qui circule davantage dans le privé. Donc et puis, il y a ce rapport à l'histoire qui va souvent être énoncé pour les distinguer. Et en réalité, ces points peuvent être nuancés, puisque la pédagogie Montessori circule depuis longtemps en France, et y compris dans le public. Également parce que ces histoires de préhension et d'expression se nuancent, puisque la pédagogie Montessori ne se destine pas simplement aux 3-6 ans, tout comme la pédagogie Freinet ne se restreint pas qu'aux 6-10 ans. Et en réalité, on pourra dire qu'il y a quand même beaucoup de convergence. D'ailleurs, Freinet citait Montessori dans certaines brochures, je pense aux invariants. Et ce qui les rapproche en réalité, c'est cette conception du vital, cette critique un peu d'une forme scolaire trop classique, trop abstraite, et de son temps d'apprentissage et de son espace. Est-ce que, par exemple, on pourra dire que sur les questions de l'enfance, elles se rejoignent. D'accord. Est-ce que l'absence de notation est toujours la règle chez Freinet ? Alors c'est une question elle aussi complexe, puisqu'en fait elle ne se raisonne pas de la même manière que dans le classique. En réalité, il y a un plan de travail, il y a une pratique de l'auto-évaluation, une recherche de l'individualisation des situations, qui fait que cette note donnée par l'adulte pour chiffrer, pour éventuellement... faut rendre compte du travail, mais également peut-être abaisser, c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'esprit de la pédagogie Freinet. Au passage, pourquoi Freinet a-t-il rompu avec le Parti communiste à partir des années 50, il me semble? Oui, c'est ça. Alors, pourquoi, comment comprendre cette rupture? En fait, dans ce moment-là, on est en France dans une période où on va beaucoup réfléchir sur les réformes scolaires, des réformes qui vont se faire attendre. Donc il y a beaucoup de propositions, beaucoup de débats. Et puis, au niveau du Parti communiste français, il y a cette idée de se réadapter un petit peu à cette nouvelle donne nationale, internationale, culturelle, et de garder la main donc sur un petit peu les questions éducatives, ou en tout cas d'arriver à garder dans son giron, je dirais, des éducateurs. Et Freinet est à la fois le candidat idéal et un candidat gênant. C'est un candidat idéal, tout simplement parce que il est au PC, il est engagé, il a de la notoriété, etc. Mais c'est pas le candidat non plus idéal pour, en tout cas, certains intellectuels du PC à cette époque, puisqu'il a, je dirais, un esprit un peu libre. Hein. C'est pas quelqu'un qui est dans la discipline de parti. Donc on lui reproche dans ses réseaux de lire du Nietzsche, du Bergson. On lui reproche son intérêt pour les expériences corporelles. Et ce genre de choses. Donc en même temps, il sort un peu du cadre et on a peur en fait qu'il récupère un peu l'auditoire enseignant contre le parti. Xavier Riondé, on va laisser le dernier mot à Célestin Freinet, on le doit bien ça, après avoir raconté son histoire. Donc devant les congressistes à Neuchâtel en 1958, il donne sa vision, alors c'est intéressant, sa vision de l'intelligence. Écoutons. On peut demander à des orienteurs munis de tests et de machines, de voir quel est l'ouvrier qui est le plus prédisposé à faire vite ce geste-là. Mais voilà que depuis un an ou deux, on s'est aperçu que lorsque on va vers l'automation, on n'a plus tellement besoin de ces hommes et de ces femmes mécaniques, mais on a besoin d'hommes et de femmes intelligents. Et les industriels, les chefs d'industrie, sont en train de rétablir la primauté de l'intelligence. Et il résulte de ce fait que, de plus en plus, sur le marché du travail, l'individu cultivé, l'individu intelligent, qui a beaucoup de possibilités, gagne beaucoup mieux sa vie. Alors que ceux qui restent robots ne gagnent plus leur vie. Alors là, nous aurons à aborder le problème de la préparation technique, pour ainsi dire, de ces hommes intelligents qui vont entrer dans la production. Or, est-ce que l'école a préparé ces hommes intelligents qui rentreront dans la production? Elle ne les a pas préparés. Je ne dis pas qu'elle n'a pas préparé des hommes intelligents. Elle a préparé l'école à cultiver une certaine intelligence qui se cultive simplement par les travaux intellectuels, c'est-à-dire des études dans les langues, dans les sciences, mais toujours des études que je pourrais dire désintéressées, pour employer le mot habituel, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir à quoi cela va servir, on développe l'intelligence située en dehors de la vie, en dehors de la société, à tel point que lorsque dans nos classes nous enseignons cela, l'enfant ne se rend même pas compte que ça fait partie de la vie. Ils ne pensent pas que cela puisse leur servir un jour pour leur culture ou même pour leur futur métier. Alors ceci, c'est la négation complète de la culture. Et en tout cas, c'est la négation complète d'une culture intégrée à la vie. Voilà, l'intelligence pour ne pas former des robots. On sent le côté libertaire tout de même. Oui, tout à fait. En fait, là, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est cette opposition entre une culture un peu abstraite dont on ne fait peut-être pas grand-chose et une intelligence qui serait à entendre vraiment au sens large, qui n'est pas contre d'ailleurs une certaine culture, qui peut se relier à des choses plus concrètes, plus manuelles et qui renvoie à la question d'arriver à pouvoir s'engager, à pouvoir être lucide et authentique dans sa vie d'homme, dans la société. Parfait, Xavier Riondet, ce sera le dernier mot. Merci infiniment pour les éclairages que vous nous avez apportés. Je rappelle les coordonnées de votre livre. En fait, deux livres, il y a vraiment beaucoup de lectures. Ce sont des sommes écrites avec Henri-Louis Gault, intitulé « À côté de Freinet ». Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la méthode Freinet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Céline Guéribi.